Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Alors, vous venez de l'entendre, Mélanie Jean vient de nous rappeler que parmi les 15 espèces les plus menacées figurent 6 espèces d'amphibiens et que plus généralement, un tiers des espèces d'amphibiens sont menacées et que si on veut les conserver, ces amphibiens, et c'est leur habitat qu'il faut conserver. Donc, leur habitat, ce sont évidemment des milieux humides. Or, les milieux humides s'amenuisent, disparaissent parfois sous les villes. Et à part pour maintenir en vie les grenouilles, en fait, à quoi ça sert de préserver les milieux humides? Et est-ce qu'on peut mesurer la valeur écologique d'un milieu humide pour décider lesquels conserver? Alors, c'est justement de ça dont on va parler avec Roxane Lavoie, qui est chercheure postdoctorale en sciences de l'eau à l'INRS, mais qui auparavant a fait un postdoc déjà au MIT en collaboration avec la ville de Québec pour travailler justement sur la conservation des milieux humides. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors Roxane, je vous propose pour commencer de faire un petit rappel sur l'importance de conserver les milieux humides, à part pour écouter le doux chant des grenouilles le soir, ils remplissent un rôle d'un point de vue écologique, ces milieux humides. Oui, absolument. En fait, les milieux humides, ils remplissent un grand nombre de rôles. C'est d'abord des environnements qui sont très, très productifs. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons, pour la taille d'un milieu humide, on va avoir une grosse, grosse production de plantes, de matières végétales, qui, elle, va pouvoir, bon, contribuer à assainir l'air, utiliser du CO2. Puis, les milieux humides vont donc aussi aider à réguler le climat. Mm-hmm. Puis, ils supportent la biodiversité, comme on l'a dit, c'est des habitats. Il y a une grande quantité ou de diversité d'animaux, de plantes qui évoluent dans les milieux humides. C'est vraiment des écosystèmes qui sont souvent très, très, très, très riches. Oui, parce qu'il n'y a pas que les grenouilles. Il va y avoir peut-être des oiseaux qui vont venir manger des grenouilles, je ne sais pas. Il y a tout un maillage d'animaux, d'espèces animales. Ça, c'est certain. Il va y avoir beaucoup de sortes de plantes différentes, même des arbustes, des arbres dans certains types de milieux humides. On va avoir aussi des beaucoup plus gros animaux, peut-être qu'on n'imagine pas, mais qui vont être attirés par les milieux humides, comme des orignaux. C'est vrai. Donc, c'est toute une diversité là, qui sont attirés, qui vivent auprès ou dans les milieux humides. Les milieux humides, on va souvent aussi les comparer à des éponges ou à des filtres parce qu'ils vont réguler le cycle de l'eau. Donc, ils vont permettre d'un côté de réguler les inondations, donc en absorbant un surplus d'eau qu'il peut y avoir à certaines époques, donc éviter des inondations. Puis, ils vont également retenir les sédiments, les contaminants, le sable, des choses comme ça qui pourraient y avoir dans l'eau, puis qui ainsi vont pas se retrouver dans d'autres sortes de milieux. Donc, c'est vraiment des milieux qui vont permettre de purifier l'eau. Puis, en plus de ça, c'est vraiment une porte d'entrée préférentielle vers les autres éléments du cycle de l'eau. C'est un endroit vraiment privilégié où est-ce qu'on va avoir des échanges entre l'eau de surface puis l'eau souterraine. Parce qu'un milieu humide, bon, c'est un sol qui est gorgé d'eau. Donc, c'est un peu quelque part entre une eau de surface, un lac qui serait peut-être pas trop, qui n'aurait pas trop de contact avec l'eau souterraine, puis l'eau qui est carrément dans le sol. Donc, à ces endroits-là, on va avoir souvent une bonne recharge vers l'eau souterraine. Puis, il va y avoir également des échanges de l'eau souterraine vers l'eau de surface pour les milieux humides qui vont être connectés. Donc, comme on peut le voir, là, il y a toute une panoplie d'avantages pour les écosystèmes, pour l'écologie. Mais c'est aussi des milieux qui vont être privilégiés comme secteur de loisirs ou comme secteur culturel. Oui, c'est vrai. Que souvent, c'est très, très joli. Puis, dans ce sens-là, ça va aussi avoir des impacts économiques ou des bénéfices économiques. Ça peut permettre d'augmenter les valeurs foncières, de donner un attrait à un secteur particulier. D'attirer les touristes. Absolument. Donc, c'est quand même plusieurs intérêts à conserver les milieux humides. Peut-être qu'on peut rappeler aussi qu'il en existe différents types de milieux humides aussi. C'est pas juste l'eau, la plage, le lac ou le marais à grenouilles et à maringouins. C'est plus vaste que ça, en fait, les milieux humides. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ça va aller... bon, là, on disait l'eau, le marais, le lac. On va avoir le lac, puis à mesure qu'on va se déplacer vers la berge, vers un milieu qui est, disons, sec, on va avoir toute une panoplie de milieux humides en pensant vers l'eau peu profonde, qui est un milieu qui est, en fait, moins de 2 mètres d'eau quand on est en période plutôt sèche, en période d'étiage. Puis après, on va passer par un marais qui va être de la végétation plutôt herbacée, vers un marécage qui, lui, va commencer à avoir des arbustes, puis même des arbres quand on va d'aller de plus en plus vers la berge. Donc ça, c'est certains types. À part ça, on a aussi tout ce qui est tourbière, qui est sur un type de sol différent, mais qui sont aussi très, très riches en nutriments. Puis ça va plutôt souvent être des mousses des végétations herbacées, puis tout ça. Donc, on aura une panoplie milieux humides. Puis, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a même des milieux humides qui ont l'air sec, qui ont des arbres. On a l'impression peut-être dans un boisé, on va appeler ça une tourbière boisée. Mais bon, peut-être s'il n'y a plus beaucoup, on va se apercevoir que le sol est gorgé d'eau, en fait, aussi. Bon, au printemps, on marche dans ces secteurs-là. Puis, ces secteurs de boisés-là vont être considérés comme des milieux humides aussi. Parce que leur sol est gorgé d'eau, que ce soit temporairement ou de façon permanente. Donc, on a toute une variété qui va du plus mouillé au plus sec. Puis, à tous ces différents degrés de milieu humide, est associé à un écosystème, un assemblage de plantes, d'espèces différentes. Ils ont chacun leurs espèces caractéristiques. Effectivement, il va y avoir des espèces végétales, puis, bon, animales, faune, flore caractéristiques à chacun des types de milieux humides. C'est intéressant de savoir aussi que les milieux humides, en fait, quand on parle d'un milieu humide, quand on parle d'un complexe de milieux humides, ils vont avoir un assemblage de différents types. Donc, comme je disais tantôt, on peut partir d'un lac en allant vers la berge, on va peut-être en avoir 3-4 types. Ah oui. Ça donne des milieux qui sont encore plus diversifiés, encore plus riches. C'est comme une mosaïque de milieux humides juxtaposés, là. Exactement. D'accord. Donc, c'est assez compliqué. Et finalement, par quoi est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce que j'en ai glissé un mot en introduction. Des fois, il me semble qu'on assèche les milieux humides pour construire des routes, les villes. Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur les milieux humides? Mais effectivement, à peu près tout ce qui requiert d'assécher le territoire, que ce soit de l'urbanisation, comme vous venez de le mentionner, que ce soit donc des résidences, des industries, mais également les exploitations forestières pour lesquelles on va vouloir des fois drainer le sol pour avoir une meilleure productivité. Ça va être la même chose pour les exploitations agricoles lesquelles, des fois, il y a des types de milieux humides. Si on les draine, on a un sol qui est très, très riche, donc il va être très intéressant à cultiver. Puis la construction de routes qui peut passer dans un milieu humide aussi. Donc ça, c'est quand on parle vraiment de destruction complète d'un milieu humide. Là, soit on va les assécher, soit on va vouloir construire à cet endroit-là. Il y a aussi d'autres menaces potentielles à des milieux humides parce que c'est des écosystèmes qui sont assez sensibles aux conditions autour. Donc, n'importe quoi qui va être fait à proximité. Si on est proche du réseau de transport, mais ça va affecter le régime de l'eau, l'écoulement. Il va aussi potentiellement avoir Le milieu existe toujours, mais il est affecté par ce qui se passe tout autour. Absolument, c'est ça. Donc, on va avoir peut-être des sels de déglaçage, des abrasifs qui ont été utilisés aussi, qui peuvent s'écouler vers le milieu humide puis changer sa qualité, affecter les habitats à cet endroit-là. On peut avoir aussi des résidences, des bruits qui vont pouvoir peut-être effrayer des animaux. L'éclairage urbain, peut-être. Absolument. On peut aussi avoir des VTT sur les berges d'un lac, des choses comme ça qui vont, elles aussi, avoir un impact. Après, les espèces exotiques envahissantes. Qui peuvent, elles aussi, avoir un impact, disons, assez négatif sur les milieux humides en minimisant, disons, la biodiversité, donc en détruisant le milieu avec une espèce de plante envahissante qui va prendre toute la place. Puis ce qu'on ne pense pas nécessairement, là, c'est toujours des trucs qui sont assez ponctuels, donc une activité qui va avoir un impact direct assez proche sur le milieu humide, mais des fois, si dans un bassin versant, donc si dans une portion de territoire qui a une influence sur le milieu humide, on a toute une panoplie d'activités qui vont affecter le régime de l'eau, qui vont affecter l'écoulement de l'eau, qui vont produire des substances polluantes, qui vont peut-être se rendre vers un milieu humide, mais l'effet cumulatif de toutes ces activités-là, exactement, vont pouvoir avoir un impact sur le milieu humide, puis éventuellement peut-être même mener à sa mort ou à la mort de certaines, ou à la dispersion de certaines espèces qui y vivaient. Alors, est-ce qu'il y a, donc on voit toute l'importance que ont les milieux humides et à quel point ils sont menacés, mais est-ce qu'il y a des réglementations, quelque chose pour les protéger, ces milieux humides? Pour l'instant, très peu. Mais en ce moment, au Québec, en fait, on attend une loi du gouvernement provincial qui devrait indiquer comment est-ce qu'on va devoir gérer la protection des milieux humides plus précisément. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est un moratoire qui dit qu'à chaque construction, modification d'une construction ou à proximité d'un milieu humide, on doit avoir une autorisation du ministre avant de la faire, puis que le ministre est aussi, lui, autorisé, ou le ministre a le droit de demander à qui que ce soit qui va affecter un milieu humide, de le reconstruire, de le protéger, d'en améliorer un autre, des choses comme ça. Donc, en 2015, là, on attend la loi. Là, donc, on va suivre ça. Oui. D'accord. Mais alors, bon, mettons qu'il y a un certain nombre de milieux humides qu'on veuille protéger, mais j'imagine que dans les faits, ce sera impossible de tous les protéger. Donc, Est-ce qu'on doit choisir de protéger tel ou tel milieu humide et selon, surtout selon comment... la question, c'est est-ce qu'il y a des milieux humides qui ont plus de valeur que d'autres d'un point de vue écologique et est-ce que donc on doit porter nos efforts de conservation sur ces milieux humides à forte valeur plutôt que d'autres? Mais en fait, il faut savoir que déjà au Québec, il y a entre 80-80% des milieux humides qui sont disparus. Ah oui, entre 80-80%? Oui, 40 à 80%, c'est assez difficile à évaluer parce que c'est depuis la colonisation. Donc, c'est sûr que, bon, les données qu'on a sont pas toujours très précises, mais déjà, même si c'est 40%, c'est énorme. On estime qu'en Amérique du Nord, c'est 50 à 55% de façon globale. Puis au Québec, c'est ça. Donc, ça peut aller jusqu'à 80%. C'est énorme la perte qu'on a déjà eue. Puis, dans la ville de Québec, c'est environ 9% des milieux humides, je crois, qui sont protégés. Non, c'est 9% du territoire qui est en milieu humide, puis c'est 12% sur le Québec en général qui est déjà protégé. Donc, c'est quand même assez peu. Si on sait qu'il reste, bon, que peut-être 60 à, bon, je sais pas, peut-être 40%, c'est peu de penser qu'il n'y en a que 12% de cette proportion-là déjà qui est protégée. Puis, c'est évident qu'on peut pas tout protéger ce qui reste, même si c'est ce qui est recommandé en ce moment, étant donné qu'on sait qu'il en reste tellement peu puis qu'ils sont tellement utiles pour le territoire. Parce que souvent, surtout en milieu urbain ou même en milieu rural, où est-ce qu'on a des fortes pressions pour développer, que ce soit pour des activités agricoles, forestières ou en milieu urbain, pour développer, pour avoir plus de résidences ou plus de zones industrielles, on peut pas se permettre de protéger tout ce qui reste de milieu humide parce qu'en fait, il resterait presque plus de territoire à développer. Puis c'est là qu'on vient se poser la question que tu viens de me poser. Comment est-ce qu'on va faire pour décider lesquels? Comment on va les évaluer? Lesquels on protège en priorité? Où est-ce qu'on met nos efforts? Puis c'est exactement la question qu'on s'est posée avec la Ville de Québec, en fait, quand on a débuté le projet là, d'essayer d'évaluer la valeur écologique des milieux humides. Mais pour faire ça, on a rencontré des experts. Puis là, c'est certain qu'après, on a identifié des critères puis une méthode pour le faire, mais ces critères-là sont bons pour la Ville de Québec. Si on changeait de territoire, ça serait d'autres choses. D'accord. Donc, on a développé une méthode qui nous permet d'avoir une idée, qui nous permet de les prioriser, qui nous permet de dire on va essayer de mettre plus d'efforts ici. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tous les autres être développés. Mais on sait lesquels on devrait, lesquels on devrait agir en priorité. Alors, quels sont ces critères, justement, qui permettent de comparer, d'évaluer les milieux humides? Donc, dans le cadre de ce projet-là, qui portait vraiment sur le territoire de la communauté urbaine de Québec, on identifie que la superficie, en fait, plus un milieu humide est grand, plus on va lui attribuer une grande valeur écologique parce que souvent, on va avoir aussi plus de diversité, plus de chances que ce milieu humide-là résiste longtemps parce qu'il est grand. Puis ça donne aussi nécessairement un intérêt pour la récréation, pour les loisirs. La proportion naturelle de l'écotone, je vais vous expliquer ce que c'est. l'écotone, en fait, c'est la zone qu'on retrouve autour du milieu humide. Donc là, on a pris un 100 mètres autour du milieu humide. Puis plus cette zone-là va être naturelle, plus il va avoir de chances que le milieu humide survive à long terme. Donc, c'est pas seulement le milieu humide, comme on disait tantôt, mais c'est ce qui se trouve autour de lui qui va lui donner une valeur. Donc, la proportion qui est naturelle à l'entour du milieu humide va lui attribuer une valeur, bon, plus ou moins grande. Puis, la diversité des habitats aussi. Donc, plus on a une grande biodiversité, plus on a des types de milieux humides, une mosaïque intéressante, plus on va avoir une grande valeur parce qu'on va avoir plus de biodiversité. On va avoir peut-être un milieu humide aussi qui est un meilleur équilibre, qui va lui aussi peut-être pouvoir perdurer dans le temps. La productivité, comme je disais au début, qui est une caractéristique particulière des milieux humides, d'être très, très productif. Puis plus on va être productif, souvent, plus on va avoir une bonne biodiversité aussi. Donc là, productif, en fait, c'est que les plantes poussent beaucoup, les poissons, les grenouilles se reproduisent beaucoup, donc il y a beaucoup de... C'est ça. Ça marche bien. C'est ça. Il y a la fragmentation, qui est le fait qu'un milieu humide soit, disons, coupé en deux ou coupé en quatre morceaux. Des fois, on va considérer que c'est un même complexe de milieu humide, même si c'est plusieurs morceaux, parce qu'il y a une route ou un chemin de fer qui passe au milieu. Donc, moins il est fragmenté, évidemment, plus on va lui donner une grande valeur. Là, pour une question de perdurer, une question d'habitat, une question de connectivité pour que les espèces aient comme un meilleur environnement pour vivre. Puis finalement, la rareté relative, qui est l'un des critères qu'on a choisi. Donc, c'est à l'intérieur d'un bassin versant. On disait au début qu'il y avait plusieurs types de milieux humides. S'il nous reste un seul marais ou une seule tourbière boisée, on va être plus enclin à la protéger par rapport à un autre qui serait, disons, moins rare. Il nous en reste, je sais pas, 50-55%. C'est presque juste ça qu'on a. Mais c'est clair qu'on va vouloir donner un peu plus de valeur à celui qui est plus rare dans son bassin versant. Mais comment on fait? Donc là, je comprends bien, il y a la superficie, c'est assez facile à quantifier. Il y en a des petits, il y en a des grands. Mais pour les autres critères, ça paraît un peu plus flou. Comment on fait pour dire c'est très productif, c'est pas productif, c'est très rare, c'est pas rare? Comment on fait pour quantifier ces Mais en fait, il y a des mesures qui sont prises un peu partout sur le territoire. Il y a des inventaires aussi qui sont faits par Canard Illimité. Donc, on a une bonne partie des données qui existent déjà. Il y en a certaines qui ont été acquises aussi ou vérifiées à la suite du projet par la Ville de Québec pour s'assurer qu'on avait bien les bonnes mesures. Mais de façon générale, c'est des informations qu'on a déjà. Pour ce qui est de la productivité, il y a des tables qui existent qui disent, disons, un marais ou un bog ou un fen produisent tant... Un bog ou un fen? C'est des types de tourbières. Ah, d'accord. Ils vont produire tant de tonnes par hectare par année. Donc, en multipliant le type, la proportion d'un type de milieu humide par le nombre de tonnes par hectare par année, on réussit à avoir une estimation de la productivité d'un milieu humide, puis donc un peu une estimation de la diversité qu'il peut y avoir. Donc pareil pour la diversité, c'est parce qu'il y a des biologistes qui sont allés sur le terrain, qui ont vu il y a tant d'oiseaux, tant de plantes, tant de quenouilles, tant de différentes sortes de choses, puis on compte tout ça? Oui, mais là, je dirais qu'on n'a pas toujours les données aussi précises que celles-là. C'est certain qu'il y a des inventaires qui peuvent se faire en allant écouter les chants d'oiseaux puis essayer d'identifier. Mais sinon, soit on fait des estimations, soit on va quand même sur le terrain voir les types de plantes puis tout ça. Mais c'est sûr que là, des inventaires d'oiseaux, ça demande énormément de ressources à faire. Mais on fait de notre mieux avec les données qu'on a. Sur un échantillonnage peut-être, puis on extrapole à la grandeur du... Oui, exactement. D'accord. Puis on va vérifier ceux pour lesquels on a des doutes ou ceux qu'on pense qui sont plus importants. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut avoir finalement, mais il y a 6 critères. Donc à partir de ces 6 critères, puis peut-être que les différents milieux humides n'ont pas les mêmes valeurs pour un critère ou pour un autre. Donc comment on fait finalement pour comparer des milieux humides qui ont 6 mesures différentes pour les 6 critères? Comment on fait pour résumer tout ça, pour dire le milieu A, il est meilleur, il est plus important que le milieu B? Oui, j'essaie de vous l'expliquer sans être trop technique, mais on a utilisé une méthode d'analyse multicritère, donc une méthode qui permet de comparer des choses, n'importe quoi en fait, avec plusieurs critères. La méthode s'appelle Macbeth. Il y a d'autres méthodes d'analyse multicritère. On a choisi celle-là, elle était particulièrement pertinente là, parce qu'on avait un groupe d'experts, puis elle travaille bien avec des groupes de gens. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va évaluer un milieu humide sur chacun des critères, un coup qu'on a évalué chacun des critères, puis on va trouver des unités qui vont nous permettre de convertir l'évaluation qu'on a sur un critère en unité de valeur écologique d'un milieu humide. Mm-hmm. Donc ça, tout ça se fait avec des experts sur les milieux humides. Puis ce qu'on fait, c'est un peu, je donne souvent l'exemple de fruits quand je parle de ça, qu'on essaie de faire des unités de fruits, on va dire une pomme, ça vaut un fruit, mais un raisin, ça vaut point un fruit. Ouais. Pour avoir ma portion de fruits, il faut que j'en aie mangé 10. Ouais. Bon, on fait un peu quelque chose de similaire, donc avec toute une méthode là, qui est peut-être un peu technique, mais qui permet d'avoir des discussions avec les experts, puis d'évaluer chacun des critères, comment on les perçoit, comment est-ce qu'ils donnent la valeur au milieu humide. On réussit à avoir comme ça une unité valeur. Pour chacun des critères. Exactement. D'accord. Une unité de valeur écologique de milieu humide, où en fait, ce qu'on réussit à avoir, c'est la conversion. Entre un critère et un autre. Puis comme ça nous permet de les additionner puis de faire un indice global. Ah, d'accord. D'accord. Donc, et à partir de cet indice global, on peut voir donc lequel est le plus important d'un point de vue écologique. Mais exactement. Ça dépend quand même. On voit qu'il y a quand même une part de... Ça dépend un peu de l'interprétation de chacun, un petit peu. Ça dépend de l'interprétation de chacun. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un groupe d'experts qui va représenter des intérêts différents. C'est certain que ça prend que des experts qui s'y connaissent en milieu humide. Donc, on va pas aller chercher, un citoyen pour faire quelque chose comme ça parce qu'on veut quelqu'un qui va être capable de nous parler de proportions naturelles de l'écotone puis de productivité d'un milieu humide. Donc, ça nous prend vraiment quelqu'un qui s'y connaît très bien en milieu humide. On va aller chercher des gens, disons, de l'université, de la Ville de Québec, du ministère de l'Environnement, de Canard Illimité, d'un organisme de bassin versant. Donc, on va aller chercher des experts de différents horizons. Puis, on va s'assurer que chaque décision qui est prise pendant les rencontres soit prise par consensus. C'est-à-dire que tout le monde s'est prononcé, tout le monde a dit qu'il était d'accord avec chacune des décisions. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que l'indice avec lequel on arrive représente les perceptions, les opinions, les valeurs des experts qu'on avait dans la salle. Mais en ayant une variété comme ça d'experts, on a une mesure qui va être acceptée déjà par ces groupes-là, puis qui ensuite va avoir aussi plus de légitimité pour un peu, bon, je veux dire, tous les autres acteurs qui savent qui a participé. Mm-hmm. Donc, c'est pas l'opinion d'une seule personne, c'est l'opinion d'un groupe. Ouais, puis c'est pas non plus les opinions additionnées des gens dans le groupe, c'est une opinion commune qui a été construite ensemble. Mm-hmm. Donc, et puis finalement, une fois que cet exercice est fait, puis j'imagine que ça doit prendre quand même un certain temps à évaluer tous les milieux mythes d'une municipalité comme Québec. Donc, est-ce que c'est un exercice purement théorique ou est-ce que ça peut déboucher finalement sur des décisions concrètes pour protéger ces milieux humides? Ah, ben ça peut absolument déboucher sur des décisions concrètes. En ce moment, le processus a déjà été fait avec la Ville de Québec. La Ville a les résultats, puis je sais qu'ils sont en train de travailler à une stratégie de conservation des milieux naturels. Les milieux humides, c'était une partie seulement de la stratégie plus complète de conservation des milieux naturels sur le territoire de la ville. Puis donc, ce que ça peut mener, c'est ben d'abord, on a déjà un portrait des milieux humides sur notre territoire. On a défini c'était quoi un bon milieu humide, on a défini c'était quoi un milieu humide moyen, puis après, on a été capable d'avoir des évaluations par rapport à ça. Donc, on peut dire lesquels on imagine qui ont le plus de valeur, où est-ce qu'on veut mettre nos efforts pour la conservation. Puis, par la suite, la Ville peut mettre en place des actions. Là, je vais donner des actions, disons, un peu théoriques, parce que ça n'a pas encore été fait à la Ville de Québec. Mais d'abord, bon, on documente où est-ce que les milieux humides sont. On a de l'information sur ces milieux humides-là. Après, on peut s'intéresser aux services qui sont rendus par ces milieux humides-là. Il y a déjà ceux proches de la prise d'eau qui sont protégés pour s'assurer d'avoir une bonne qualité d'eau potable. Mm-hmm. On peut le faire en identifiant des problèmes, comme dans le cas de la rivière Richelieu. On sait que plus on descend en aval de la rivière Richelieu. Ou Saint-Charles? Non, de la Richelieu. D'accord. Ouais. C'était un exemple, parce qu'à la Ville de Québec, on n'a pas encore un exemple. D'accord. Mais bon, là, c'est un exemple. La qualité de l'eau à Québec est très, très bonne. Mais bon, sur la rivière Richelieu, on sait que quand on descend en aval de la rivière Richelieu, plus on descend, plus la qualité de l'eau se détériore, plus ça coûte cher. De produire de l'eau potable. Puis donc, ça pourrait être une des actions mises en place de dire, on a identifié les milieux humides qui apportaient des services, cet endroit-là qui permettait de purifier l'eau, on va en restaurer, on va protéger, puis comme ça va nous permettre peut-être de réduire les coûts. Donc, on peut y aller comme ça par problème, action, réaction. On peut aussi y aller en disant, ici, on sait qu'on a un milieu humide qui a une bonne valeur. Donc, on va faire soit du zonage de conservation, qui est peut-être la chose la plus extrême à faire en disant ici, on conserve, il n'y a rien d'autre qui va se faire. Mais après, il y a aussi des aménagements qui peuvent se faire pour faire une meilleure cohabitation d'un milieu humide avec les activités qui existent autour, faire des plans d'aménagement qui vont permettre aux gens d'y avoir accès, qui vont permettre aussi de favoriser la survie à long terme d'un milieu humide. Des fois, il y a des ententes qui peuvent être prises avec des propriétaires. Si le terrain est déjà à quelqu'un, on peut demander aux propriétaires, ça peut être des ententes légales, ça peut être des ententes aussi comme ça de gré à gré, là, pour dire que ce milieu humide-là, on va le protéger, que le propriétaire ne va pas le détruire. On peut demander aux promoteurs de s'assurer de garder un milieu humide en bonne santé ou d'en protéger un autre si lui a besoin d'un terrain où est-ce qu'il y a un milieu humide, disons, qu'on considérait peut-être de moins de valeur. Moi, j'aime pas beaucoup dire ça, mais si on considère qu'un milieu humide, disons, il était tout petit, il était déjà en train de mourir, mais à ce moment-là, on peut demander au promoteur quand même d'en construire un autre ailleurs. Ça peut être de diriger le développement dans d'autres secteurs où est-ce qu'on sait qu'il y a pas de milieu humide à protéger, puis de protéger plutôt un endroit où est-ce que les milieux humides ont beaucoup de valeur. Puis ça peut carrément aller jusqu'à acquérir le terrain. Mais à ce moment-là, la ville le mettrait en valeur à ce moment-là? La ville peut le mettre en valeur, y donner accès, s'assurer que le milieu humide reste en très bonne santé, qu'il vive très, très longtemps, puis qu'on puisse, comme ça, tout le monde en profiter, puis qu'on puisse continuer de profiter des services aussi qui sont rendus par le milieu humide. C'est fort intéressant. Je vous remercie beaucoup, Roxane. C'est fort intéressant. Puis surtout, je trouve que ça donne un exemple des liens qui doivent exister entre la science et la politique, parce qu'en bout de ligne, ce sont les divers paliers des gouvernements. Bon, là, on parlait des milieux humides dans la Ville de Québec, donc on parle du palier municipal. Mais donc, ce sont donc ces divers paliers de gouvernement qui vont établir des politiques, des stratégies de protection des milieux humides ou des autres milieux, parce qu'on pourra faire ce travail-là sur d'autres milieux, probablement. Ils doivent le faire à partir des connaissances scientifiques, mais ils ne peuvent pas le faire à partir des données brutes, qui seraient indigestes pour eux. Donc, il faut comme trouver un moyen de rendre ces données utilisables, d'en dériver des outils d'aide à la décision. Et c'est justement ça, là, tout ce travail-là, c'est justement des outils qui leur permettent de décider où porter les efforts de conservation. Donc, je trouve ça fort intéressant. Absolument. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Roxane. Et je rappelle que Roxane Lavoie est chercheure postdoctorale en sciences de l'eau à l'INRS. Et on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1.